Voici une entrevue effectuée en compagnie de Marc Delasalle le 28 septembre 2011. Bonne écoute. Je suis en train d'effectuer l'appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Marc Delasalle. Oui, c'est ça. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, oui, ça va bien. Excellent. Donc, ben, écoutez, vous êtes présentement en direct dans le cadre de mon émission. Pour vous présenter un peu, vous, vous êtes un auteur et un conférencier? Oui, en principe, c'est pas mal les deux. OK. Et puis, bon, pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus par rapport à vous, vous avez le site Internet, c'est www.marcdelasalle.com. De toute façon, on peut entrer le nom Marc Delasalle sur le site, dans le fond, quand on va sur faire une recherche sur Google. Oui, oui, oui, facilement. Oui, il va vous présenter, je crois qu'on apparaît dans les premiers. Exactement, puis on a aussi... la première page. C'est ça, puis aussi des vidéos que vous avez mis en ligne là, sur YouTube. Oui, c'est ça, oui, oui. Il y en a plusieurs, je crois, peut-être 3-4 à visionner, qui commencent, je pense, il y a 2 ans ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Sinon, ben, c'est sûr, d'entrée de jeu, j'aimerais parler avec vous de la distinction qui peut être faite entre la volonté, l'intelligence et l'amour, qui est un sujet qui est quand même intéressant à aborder pour des gens qui se conscientisent. C'est un sujet vaste, en tout cas. Ça dépend de quel angle vous voulez l'aborder. Vous voulez l'aborder sous l'angle de la volonté, parce que je crois que c'est celui qu'on a le plus de besoin, dans le fond. La volonté de se protéger... des intempéries de la vie aujourd'hui, ça prend ça au minimum. Puis d'un autre côté, si tu n'es pas intelligent, tu as de la difficulté à gérer cette volonté-là, parce que ça peut devenir facilement une volonté égoïque, dans le sens que l'individu pense qu'il est dans sa volonté infaillible, puis finalement il se fait astraliser dans sa volonté. Puis l'amour, c'est très loin encore. Ça, c'est un principe... qui va venir chapeauter les deux autres. Mais présentement, très difficile, parce que l'amour se situe au niveau du triangle, sur le sommet du triangle, ce qui veut dire que l'individu doit développer une volonté suffisante pour reconnaître et savoir c'est quoi de l'astral. Mm-hmm. Et ensuite de ça, il faut qu'il y ait l'intelligence de se nuancer et de censurer sa propre volonté. Et quand il a l'intelligence de censurer sa propre volonté, il devient un peu plus transparent au niveau de son ego, ce qui amène chez lui une transformation de ses corps et de sa perception, de sa psyché. Et par la suite, indépendamment du nombre de désillusions ou du grand nombre de déceptions qu'il a vécues dans sa vie par rapport à sa perception de la réalité, il est possible qu'il ait accès à l'énergie de l'amour. Et ça, c'est pas nécessairement probable pour tout le monde. Pas dans cette... dans ce siècle, en tout cas. L'énergie de l'amour n'est pas, ne peut pas être présente sous une forme soutenue. Elle peut être des pointes qui descendent dans la conscience de l'individu pour lui permettre éventuellement de rentrer dans ce corridor-là qui est très loin de l'homme pour l'instant. Parce que l'homme, il sort à peine d'une forme égoïque d'intelligence intellectualisée et il n'a jamais eu de volonté. L'homme n'a jamais eu de volonté réelle. Donc, ce qu'on peut appeler le développement de sa conscience psychologique, c'était en fonction de l'âme, c'était surtout en fonction de l'ego, de se développer une personnalité pour pouvoir limiter l'expérience de l'âme, la vie planétaire, qui est une vie expérimentale à 100%. Et parce que du point de vue de l'âme, l'homme n'a aucune liberté. Ce qui amène à dire que l'individu n'a jamais réalisé qu'il doit chapeauter d'abord sa volonté pour savoir s'il est intelligent. Et quand ces deux l'exercice de ces deux fonctions ou de ces deux principes qui sont totalement opposés parce qu'ils sont dans le bas du triangle et couronnés, il peut, après ça, y avoir une ascendance au niveau de sa conscience vers le sommet du triangle, qui est l'amour. Est-ce que vous me suivez? Oui, ben c'est un petit peu complexe, mais de ce que je comprends, l'amour, ça serait un peu comme la cerise sur le sundae, si on peut dire, là. Ça serait la cerise sur le sundae, hein, parce que si on passait par l'énergie de l'amour pour s'ajuster, qu'est-ce qui risquerait de se produire? C'est ça que la question que l'individu doit se poser. Si on passait par l'amour au préalable, l'âme serait nourrie automatiquement parce que l'intelligence, c'est froid et l'amour, c'est froid. Et quand on passe par l'âme pour vibrer l'énergie de l'amour, l'homme, l'individu devrait reconnaître automatiquement qu'il est dans son âme, ce qui veut dire qu'il y a de la réflexion dans le jeu de son ego au niveau de la polarité du vrai et du faux. Et là, il va dire, mais là, je suis dans le vrai amour. Tu sais, on parle aujourd'hui d'amour réel, on parle d'amour libre. Je ne sais pas comment on attache un qualificatif au mot amour pour lui donner une valeur, mais l'amour en tant que tel, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. C'est seulement une vibration froide qui va permettre, dans les 500 prochaines années, à l'individu de réaliser que l'émergence de sa volonté s'est faite en collaboration souvent avec l'âme, ce qui fait qu'il a coloré l'amour et ce qui fait également qu'il a coloré l'intelligence qu'il pensait avoir. Pour vraiment être dans l'énergie de l'amour, l'individu doit être totalement dépolarisé dans la polarité du vrai et du faux, c'est-à-dire qu'il ne doit plus avoir dans sa conscience, la présence nocturne de la mort, donc la présence des mondes de la mort. Ça veut dire qu'il a traversé le désert de sa conscience, il est rentré dans un univers totalement absolu au niveau de la capacité d'interférer sur les plans de la mort. Il peut facilement parler à un mort et lui expliquer sa situation. Et c'est de là que va partir l'amour de l'homme pour l'homme. Parce que là, l'amour ne sera jamais tourné vers les plans. L'amour, quand elle va être dans l'homme, elle va être tournée directement vers l'autre, qui sont semblables. Et si je dis, à une personne, vous l'aimez beaucoup, votre mère, indirectement, qui est décédée. Ah oui, je l'aime beaucoup. Je prie pour qu'elle m'aide à tous les jours. Bon. Je prie pour qu'elle m'aide à tous les jours. Elle nourrit avec elle son sentiment d'âme. Et elle va dire, je l'aime beaucoup, mais si elle l'aimait vraiment au niveau dont parle de la vibration froide de l'amour, savez-vous ce qu'elle lui dirait de cette mère-là? Elle lui dirait possiblement, elle dirait, vous êtes morte. Et plus vous êtes en contact avec l'individu et l'homme sur la Terre, moins votre capacité de vous régénérer pour votre prochaine réincarnation sera pour vous accessible. Parce que l'individu qui est mort, qui est en conscience morte, doit absolument intégrer totalement son plan pour que lui soit attribué sa prochaine programmation sur la Terre. Donc, c'est pour ça qu'on parle de poltergeist, on parle de âme errante une fois qu'ils sont morts, parce qu'indirectement, ils sont rattachés à la Terre. Donc, ouais, si on fait... Oui. Oui, allez-y. En fait, peut-être clarifier, parce que tantôt, vous parliez que, dans votre vision des choses, l'amour, est une vibration qui est froide. Oui. Je pense que ça pourrait être intéressant d'expliquer un peu plus en détail, là, qu'est-ce que vous entendez par là? Ah, donc, la vibration de l'amour, je vais donner plusieurs définitions de l'amour, et vous allez voir que le terme amour, tel qu'il apparaît aujourd'hui dans notre société, ne correspond pas du tout avec le réel de l'amour, de l'énergie, des plans de la lumière, en fonction de la création de l'homme. L'amour, lorsqu'on parle de froideur, on parle d'abord de d'aucune interférence du corps émotif dans la capacité de l'individu de voir et de déterminer la façon dont il va regarder l'autre. Il n'y a pas dans cette capacité de l'homme qui est sous l'énergie de la vibration de l'amour, la possibilité de se réfléchir. Par exemple, de dire, je vais avoir une bonne pensée pour vous parce que je vous aime bien et ça va vous permettre d'avoir une meilleure équilibre sur la planète Terre. Ou encore de faire des mouvements, par exemple, de dire, si tout le monde méditerait en même temps, la Terre se porterait mieux. Donc ça, ce n'est pas l'énergie de l'amour. Ça, c'est une interprétation de l'énergie animalisée de l'homme dans l'âme qui lui dit dans sa tête qu'il a la capacité d'interférer sur la planète Terre et sur les énergies de la planète en autant qu'il soit capable d'aimer. Mais son principe d'amour est si faussé par le fait qu'il lui donne une appartenance. Et c'est là que je parle de froideur. L'amour n'a aucune appartenance parce que c'est une vibration froide. Est-ce que ça se comprend, cette première partie-là, sur l'amour? Oui, ben dans le sens, c'est quelque chose qui n'est pas coloré par l'ego, là, par la réflexion, comme vous le mentionnez, ou peut-être des tendances spirituelles qui pourraient amener les êtres humains à vouloir méditer pour la paix dans le monde ou des trucs comme ça. Oui, on ne pourra pas prendre cette énergie-là et penser que c'est de l'amour, parce que elle doit passer par l'ego, cette énergie-là, si on veut faire ça. Et c'est un mouvement de la volonté de l'ego, et ce n'est pas un mouvement ajusté de l'intelligence dans l'ego. Et c'est pour ça que ce n'est pas de l'amour, parce que la relation entre l'ego, la volonté et l'intelligence doit devenir le soleil de la conscience de l'individu. C'est-à-dire qu'il doit avoir la voyance de qu'est-ce qui se passe sur la Terre pour avoir accès à l'énergie de l'amour. Sinon, cette énergie-là ne peut pas le pénétrer parce qu'elle est trop haute en vibration. Donc, si le corps mental de l'individu n'est pas élevé en vibration en raison de la présence absolue de la volonté et du retour de l'énergie de l'intelligence dans un va-et-vient continu et permanent, l'individu ne monte pas en conscience, donc il ne peut pas accéder à cette fine pointe de la vibration qui est la plus haute dans l'univers local. Hein? La vibration de l'amour, c'est la plus haute dans l'univers local. Puis cette vibration-là transforme tous les corps d'une personne. Donc, si on dit que l'amour est froid, je vais vous donner un autre exemple. Quand les événements difficiles vont se passer, la personne qui va être dans sa capacité d'être neutre par rapport aux événements voudra alors savoir que sa volonté est bien présente en lui et que l'intelligence qui est présente en lui ne lui pose pas problème. Parce que si elle lui pose problème, cette intelligence-là, ça veut dire indirectement qu'il se réfléchit. Une intelligence, ça veut dire que si l'homme va par en dedans et il regarde tel événement, il va comprendre tout de suite l'information qu'il va lui recevoir. Il ne vivra aucune déception à ce niveau-là. Parce que les individus qui considèrent qu'ils sont dans l'amour vont vivre énormément de déceptions parce qu'ils ont coloré cette capacité-là de penser que l'amour, c'est ceci ou cela. Alors que l'amour, c'est, par exemple, je peux vous donner un exemple. Supposons qu'il y a 2000 personnes qui disparaissent dans un événement, simplement. La personne qui va aller par en dedans, elle dit, ben, c'est de valeur que ces 2000 personnes-là meurent comme ça. Donc, automatiquement, elle colore l'événement. Puis si elle va par en dedans, puis ça dit, leur expérience était finie, oui, ça, elle peut avoir ça avec le temps. Mais ce n'est pas la réponse, c'est simplement un embryon de la réponse. La réponse plus grande serait tout simplement peut-être que le choc vibratoire de cet événement-là va créer chez des individus un inconfort suffisant pour les amener à prendre plus possession de leur personnalité en fonction d'ajuster leur ego et d'être plus sensible à la vie. Mais ça va en prendre beaucoup de chocs comme ça. parce que l'ego est énormément en puissance, ce qui empêche l'individu de pénétrer le rayon de l'amour. Parce que le rayon de l'amour, c'est d'abord l'intelligence, la volonté. Donc, si la personne va par en dedans, ouais, puis il demande pourquoi que ces 2000 personnes-là sont mortes, il devrait avoir la réponse indirectement que leur temps sur la planète était fini et que leur ego indirectement n'était peut-être pas capable de se transmuter parce que s'ils avaient été absents de cette tragédie-là, ils auraient été d'un autre endroit à un autre moment. Parce que l'homme conscient ou l'homme scient, qui est ajusté dans sa volonté et l'intelligence, il est certain qu'il aura une préscience et une prévoyance des événements. Sinon, lui-même ne pourra pas voir dans l'énergie de sa propre conscience la direction par laquelle sa vie doit aller. Et c'est là que l'amour est intéressant, parce qu'elle soulève la question dans laquelle est-ce que l'homme peut être libre quand il est dans l'énergie de la volonté et de l'intelligence, et lorsque ce principe-là est totalement ajusté en lui, il ne peut pas être libre s'il n'a pas de direction dans sa vie. Et la direction vient de quel plan? Elle vient effectivement du plan de l'amour, de l'énergie froide de l'amour. Parce que, vous savez, des individus qui sont le moindrement ajustés dans leur sensibilité, bien souvent, on n'a rien à foutre de la planète Terre. Et s'ils décidaient demain matin de crisser leur camp, ça ne leur ferait absolument rien. Dans le sens que la mort n'est pas une problématique pour eux autres, parce qu'ils connaissent déjà la direction d'où ils vont aller, dans ce sens que l'énergie de l'amour n'est pas colorée pour eux. Ça veut dire qu'ils sont capables de comprendre que s'ils s'en vont aujourd'hui ou s'ils meurent demain, c'est d'ailleurs parce que la vibration dans laquelle ils sont doit être élevée à un autre niveau pour passer à un éther supérieur. Mais il est possible maintenant de vivre sur la Terre et de ne pas vouloir prisonnier de la forme de l'inconscience de la planète Terre. Parce qu'il y a suffisamment d'énergie de conscience qui circule pour l'individu qui chemine dans sa conscience pour lui permettre, dans sa capacité d'aimer l'homme, de trouver un territoire où il est bien. Et c'est ce territoire-là qui fait qu'il est bien. Si vous me posez la question pourquoi que je tiens à donner des conférences, je pourrais très bien rester chez nous et absolument rien faire, ou ne pas écrire de livre ou absolument rien faire. Et je vous dirais, c'est peut-être ce point fort-là de la conscience de l'homme que je ne dirais pas que j'aime l'homme, je dirais tout simplement qu'il y a suffisamment d'individus qui souffrent sur la Terre pour avoir des réponses. Et si indirectement le travail que je fais, parce que c'est d'abord un travail qui, je ne peux pas dire qu'il m'est imposé, mais ce n'est pas un travail qui est facile, parler de conscience, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rentrer dans ce mouvement-là, parce que la spiritualité au niveau du triangle, de l'amour, de la volonté et de l'intelligence est très, très forte. C'est comme si on pouvait dire que c'est un triangle inversé. Les gens ont beaucoup d'intelligence astralisée, ils ont beaucoup de volonté et ils mettent leurs lunettes roses et sur la planète Terre, ils disent d'aimer tout le monde. Puis en disant, ben j'aime mon prochain, c'est justement, est-ce que vous savez de quoi il est habité ce prochain? Et c'est là l'important. Quand vous voyez quelqu'un qui en souffre, qui souffre énormément de sa condition, si vous avez pas de conscience intégrée, dans le sens que si l'intelligence et la voyance et la volonté n'est pas, si la volonté et l'intelligence n'est pas là, la voyance ne sera pas au rendez-vous et vous ne pourrez pas savoir pourquoi cet individu doit souffrir. Par exemple, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que oui, l'être humain, justement, qui, comme vous le mentionnez, qui a développé une conscience, est-ce qu'il est en mesure de vraiment avoir accès à toute forme d'information au niveau, par exemple, de savoir, par exemple, pourquoi on parlait, par exemple, de 2000 personnes? Ça m'a fait penser aux attentats du 11 septembre. Oui. Parce qu'il y a eu à peu près 2000 personnes là, qui ont été mortes là, à travers les tours. Là. Est-ce qu'on peut questionner des événements comme les attentats du 11 septembre? Actuellement, il y a des gens qui souffrent énormément à Fukushima, étant donné les fuites radioactives de la centrale qu'il y a là-bas au Japon. Il y a également présentement sur Terre des gens qui souffrent en Grèce, étant donné l'instabilité du pays. On pourrait continuer comme ça longtemps, là, parce qu'il y a beaucoup de situations qui brassent l'humanité sur Terre. Mais ce que je voulais comprendre, c'est est-ce qu'on peut avoir accès à toutes les informations en questionnant ces événements-là? Oui, bien, c'est très facile de départager tout ça, puisque vous devez tout simplement vous poser la question, est-ce que c'est une souffrance psychologique qui est vécue ou c'est une souffrance psychique pour amener à l'évoluer l'homme? Il y a les deux, c'est partagé, mais vous ne pouvez pas dire que tous les gens qui sont morts dans le World Trade Center vivaient une souffrance psychique ou une souffrance psychologique. C'était la fin de leur vie. Peut-être définir les deux types de souffrances pour s'assurer que les gens nous suivent bien. Oui, une souffrance psychologique, c'est ce qui va amener l'ego à se retourner sur lui-même et se réfléchir, dans la mesure où il va se donner des raisons pourquoi il est comme ça. Il n'y a pas d'évolution dans la souffrance psychologique. Il y a seulement une préparation de l'âme à vivre une plus grande souffrance qu'on pourrait appeler une souffrance psychique. Vous prenez un alcoolique qui prend la boisson, il perd sa femme, il perd son travail, et à un certain moment donné, sa souffrance psychique peut venir du fait qu'il n'a plus le droit de voir ses enfants. Et là, cette souffrance-là est si grande qu'elle le pousse indirectement à se réinventer. Avant ça, c'était une souffrance psychologique. Donc, en gros, est-ce que les événements au Japon et aux États-Unis sont compris par l'individu qui les vit? Rarement. Si on regarde le principe évolutif, par contre, quand je parle tantôt d'un individu qui a une conscience intégrée au niveau de sa volonté et de son intelligence, va aller à l'intérieur de lui-même, puis il va vouloir extraire le réel de ces deux événements-là. L'événement du 11 septembre était pour indirectement ramener les Américains au pied de la lettre pour les années à venir, qui vont préparer des années difficiles au Moyen-Orient. Les États-Unis devaient s'investir un peu plus dans le monde et être moins isolés, et ça, et cela a été réussi. Qu'ils le fassent bien ou mal, ce n'est pas important, parce qu'il n'est pas important de polariser cette énergie-là. Il est important de savoir que la souffrance psychologique que le peuple a vécue américain, ce ne sera pas ça qui va faire la différence. Cela est juste bon pour préparer les événements à venir. La souffrance psychologique du peuple japonais va permettre avec le temps à ces individus au Japon de vouloir se réinventer parce que le nucléaire ou l'énergie du nucléaire doit être compris, totalement compris par l'homme. Et ce qu'ont décidé les Japonais, c'est de ne plus investir dans le nucléaire dans les années à venir pour trouver des énergies renouvelables. Donc, ils ont dû souffrir en tant que peuple parce que chaque peuple sur la Terre, que ce soit les Américains, que ce soit les Japonais, que ce soit un peuple européen ou quoi que ce soit, a un rôle précis à jouer, comme le peuple québécois a un rôle précis à jouer. Et ne pas être dans la voyance ou la préscience absolue pour soi-même et non absolue pour le public, parce qu'il y a des gens qui sont probablement déjà en réaction en fonction de qu'est-ce qui est amené par ma conscience, mais moi, j'en ai rien à foutre parce que j'attache pas de valeur à ce que je dis. Mais si on suit le propos, tout ça amène indirectement à une configuration de l'énergie de l'homme à la capacité de comprendre qu'est-ce que c'est une souffrance psychique, qu'est-ce que c'est une souffrance psychologique et dans quelle optique que c'est pratiqué. La souffrance psychique, c'est la seule souffrance qui amène l'homme à évoluer. La souffrance psychologique, c'est une souffrance qui permet à l'ego de se buter au mur de l'âme jusqu'à temps qu'il en ait suffisamment rien à foutre de l'âme et qu'il passe à un autre état de conscience. Donc, qui touche à l'esprit à ce moment-là puis qui entame le processus de fusion. C'est ça. Il faut que soit ça soit enclenché chez l'individu pour que sa réelle volonté... Donc, la souffrance est utilisée pour développer la volonté de l'homme. La souffrance psychique. Alors que la souffrance égoïque, qu'on appelle la souffrance psychologique, c'est une volonté de l'âme de se trouver des excuses, de se raconter des histoires. Parce que si une personne regarde sa propre vie, il peut facilement regarder les événements où, ah oui, ça a pris du temps avant que je me sorte de cette réflexion-là. Tu sais, on pense souvent la même chose par rapport à un événement. Il y a des gens qui peuvent rester accrochés 10 ans sur le fait que quelqu'un les a divorcés. Peut-être qu'au préalable, ils ont eu un choc, mais si ça avait été une souffrance psychique, ils auraient indirectement pu être capables, dans un temps assez rapproché, à toucher à une intelligence suffisamment grande pour les remettre sur le droit chemin. Donc, s'ils n'ont pas ça, c'est parce que les conditions de vie placent la personne pour qu'ils ajoutent de l'expérience à sa programmation, ce qui revient à dire que la vie planétaire est totalement une expérience expérimentale pour ces gens-là. Et c'est pour ça que quand on parle du triangle, de l'amour, de la volonté et de l'intelligence, on est très, très, très loin de ça. Et en lien avec ce qu'on parlait tantôt, c'est-à-dire que l'amour serait comme, de ce que je comprenais, l'aboutissement de l'intégration de l'esprit. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'amour serait le résultat de la fusion avec le double? Non, c'est plus grand que ça. Le double, vous savez, là, c'est pas un... c'est pas lui qui détient les clés de l'intelligence. Hein. Il n'y a rien qui vous dit que le double est plus grand que vous en intelligence. Ce qui va permettre l'individu d'avoir accès à l'énergie de l'amour, c'est sa compréhension des plans invisibles. C'est-à-dire, quel est l'agenda des plans sur sa conscience. Si vous ne connaissez pas l'agenda des plans sur votre conscience, vous n'aurez pas jamais accès à l'énergie de l'amour. Parce que le corridor s'ouvre. C'est à partir des plans universels de la conscience de la lumière que la conscience éthérique de l'homme s'ouvre. Et l'énergie de l'amour ne peut pas descendre dans aucun corps si le corps éthérique n'est pas ouvert. Et ça, c'est la couronne mentale de l'homme. Donc, si le corridor éthérique de l'homme n'est pas ouvert avec les plans, il ne comprend pas l'agenda des plans, donc il ne peut pas vibrer une énergie plus puissante que celle du double. Est-ce que ça se comprend, ça? Je trouve que c'est un petit peu complexe, là. En fait, oui? Peut-être que ça pourrait être intéressant de faire la distinction entre le double et les plans. Bon, bonne question. Le double... C'est celui qui est là pour vous ajuster individuellement dans votre conscience, pour qu'un jour vous goûtez à la pureté de votre vibration qui est le diamant de votre esprit. Est-ce que ça va, ça? Oui. Hein? Alors que les plans, ce sont les gouvernements invisibles qui ont l'autorité d'agir sur la conscience de la Terre en point de vue d'une évolution jupitérienne dans des années futures au niveau de la capacité de cette Terre-là de vibrer à une énergie céleste qu'on appelle l'universalité de la conscience supramentale d'un être individualisé. Qui veut dire simplement que l'homme, tant qu'il n'est pas ajusté dans son ego, il ne peut pas connaître c'est quoi de l'intelligence, parce qu'il n'est pas ajusté dans sa volonté pour déterminer avec à force qui, indirectement, a autorité sur lui quand il parle. C'est-à-dire, si vous parlez et vous sentez que c'est le double qui parle, vous avez un problème. Parce que le double devient votre autorité de conscience. Et le double, si le double est votre autorité de conscience, il devient pour vous une béquille. Ce que l'homme doit faire, c'est tout simplement demander au double, « T'es-tu là, mon sacrement? » Lui, il va dire, « Oui, je suis là. » Bon, ben, est-ce que ce que je dis, c'est ça? Il va être obligé de dire que oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez où je m'en vais avec ça? Dans le sens que le double serait là pour confirmer la dimension réelle de nos propos? Ben, du moment que l'homme est dans le cercle, le va-et-vient continu de l'intelligence et de sa volonté, ça veut dire qu'il a ramené le double à l'ordre par sa volonté et par son intelligence. Il a tout simplement dit au double un jour, je dis, on peut cohabiter, mais c'est certain que tu ne nourriras pas ma parole. Parce que je suis un électron libre, je suis un être libre. Tu ne viendras pas me dire ce que je dis, c'est pas ça. Par contre, on peut avoir un dialogue avec l'invisible, le double, et il est obligé de... Ça veut dire que l'échange n'est plus à la verticale, elle est à l'horizontale. Et quand ceci est fait, c'est la même chose que la volonté et l'intelligence, c'est à l'horizontale que ça se passe, et qu'en haut, c'est la conscience universelle de l'amour. Donc, en haut, le double n'est plus là, il est attaché à côté, et ce qui reste, c'est le point, c'est la pointe, c'est l'apex du savoir. Et l'apex du savoir ne peut pas être soumis à aucune vibration inférieure à la conscience intelligente de l'homme. Sinon, il n'y a plus de liberté. Donc, c'est dans la genèse de sa conscience supérieure que l'homme a accès à des corridors du temps différents de ceux de la Terre, et c'est là qu'il va chercher l'énergie de l'amour, parce que ce corridor-là a été ouvert, vous savez, avec qui? Non. Il a été ouvert il y a 2000 ans avec le Nazaréen. C'était sa seule responsabilité, en tant qu'initié sur la Terre, de venir ouvrir ce corridor-là pour qu'un jour, quand l'homme va être ajusté dans son intelligence et sa volonté, il puisse y avoir accès. Mais la religion a permis quoi, dans le fond, en récupérant le Christ? Elle s'est permis de se donner des valeurs pour se sécuriser. Mais le principe cosmique de l'amour n'a jamais été compris. Et il n'avait pas à l'être comprendre parce que le corridor a été ouvert simplement il y a 2000 ans pour l'homme supramental qui va avoir accès à une voyance préabsolue, psychique de l'intégralité des mondes invisibles. On peut pas. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre que l'individu parle d'amour quand il ne comprend même pas l'individualité des mondes qu'il habite au-dessus de sa tête. Oui, l'homme va dire, oui, mais je parle avec des entités, mais avec qui vous parlez? C'est très intéressant de savoir avec qui vous parlez, parce que si vous n'êtes pas libre dans votre vie personnelle, c'est-à-dire que si vous vivez la quelconque émotion que ce soit dans votre vie personnelle, vous n'êtes pas sous la gestion de votre intégralité cosmique, vous avez encore des traces d'âme dans votre psyché et des segments égoïques qui doivent être épurés parce que l'intelligence et la volonté ne sont pas absolues. Donc, la fusion n'est pas telle pour permettre que vous vivez votre vie en relation avec les plans. Donc, vous vivez votre relation avec le double cosmique parce que le double cosmique a encore besoin de vous ajuster pour vous permettre d'être dans une intelligence absolue et libre. Mais de ce que je comprenais, c'est que dans le fond, il y a un ajusteur de pensée qui est présent tant aussi longtemps que l'être humain n'a pas neutralisé totalement l'astralité de sa conscience. La première partie que vous avez donnée, c'est que la présence des ajustements puis de l'ajusteur de pensée, oui, va être là, oui, tant aussi longtemps qu'il n'a pas neutralisé la dimension astrale ou émotionnelle de sa conscience. Et oui. Et une des dimensions, c'est quand plus tu montes en volonté et plus tu es tanné de te faire chier par l'invisible et par le double, et plus ton autorité monte, et plus tu es en force dans ta parole, en puissance dans ta parole, pour exiger du double qui te parle, selon, non pas selon l'agenda que lui décide, mais selon ton agenda. C'est-à-dire que si tu es dans ta cuisine, puis tu vas avoir la paix, il est mieux de ne pas te casser les pieds, parce que tu vas y faire la guerre. Et si, supposons que ça arrive quelque chose dans ta vie, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un qui te coupe au volant, tu sais déjà, tu n'as pas besoin de lui demander au double, tu sais déjà que c'est déjà tout orchestré. Parce que lui, sa capacité de te tester, elle est toujours là. Est-ce que ça se comprend, ça? Le double va toujours tester l'homme. Toujours, toujours. Jusqu'à temps qu'il y ait un rappel à l'ordre. Et quand le rappel à l'ordre va se faire, il va continuer de vous tester encore. Pourquoi c'est comme ça? C'est ça qui est la question. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est que pour que vous n'ayez plus aucune attente face à l'individu. Aucune. Mais à ce moment-là, oui? L'homme doit être son soleil. Ben oui. Et son soleil doit permettre même d'éduquer le double. Par rapport, parce que le double n'a aucune, il ne s'est jamais incarné sur la planète Terre. Il ne connaît pas l'agenda de l'amour. Il ne sait même pas c'est quoi l'agenda réel de la destinée cosmique de l'homme. C'est l'homme qui va l'éduquer par rapport à ça. Il y a une très bonne idée, mais on ne peut pas créer un individu, un être, et avoir total mainmise sur ce qu'il va devenir. C'est impossible, ça va contre le principe de la liberté. Donc, même les êtres de lumière sont très contents, les plans sont très contents de la capacité de l'homme maintenant, l'homme supramental, de converser l'énergie de son âme à un niveau très rapide, hein, c'est très rapide, et permettre ainsi, sur une planète Terre, de garder le contact télépathique d'une façon tellement définie qui ne se compte pas d'histoire. Lorsque l'homme est supramental et lorsque l'homme indirectement a le droit de parler je sais pas moi, comme vous faites à radio ou n'importe quelle autre personne, il n'y a pas de présence astrale qui peut contredire. Il y a une continuité incroyable dans ce que la lumière veut faire, parce que ceci fait partie du statut premier de l'homme, et le statut premier va permettre dans les années à venir aux individus de s'ajuster rapidement. C'est-à-dire qu'une âme qui va se réincarner dans je sais pas moi, 7-8 ans, va avoir déjà la capacité de s'exposer à de l'intelligence, s'il naît au Québec. Je ne parle pas ailleurs, là, mais il va déjà grandir dans cette intelligence-là, parce que d'ici 7 ans, il va avoir eu tellement de chocs sur la Terre que les âmes qui vont pouvoir s'incarner, ils vont être comptés à la lettre. Ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas nuire au développement de la régence planétaire, au développement de la conscience humaine, cellulaire sur la Terre, parce qu'ils vont retarder une autre fois, et ça peut être très dangereux et hasardeux pour le développement des forces de la lumière. Donc, autrement dit, dans 7 ans... Pour moi, c'est tout simple, cela, okay. Mais je ne sais pas si c'est pour vous, ça le dit. Ben, peut-être il y a des gens actuellement qui nous écoutent puis qui clavardent dans une salle de communication qui ont des questions pour vous. Ah. Tout d'abord, pouvez-vous me dire c'est quoi, il y a Odyssée qui pose comme question, quelle est la distinction entre la différence entre une attitude autoritaire et une autorité réelle sur le double? Oui, c'est une très belle question. L'attitude autoritaire, c'est un segment de l'ego. C'est une capacité de l'individu de se protéger. On peut voir ça, mais supposons que vous êtes le boss de 3 employés. La personne, elle vit de l'insécurité, puis elle se dit, ben c'est moi le boss, je dois démontrer un peu d'autorité. Au lieu de peut-être dire, si elle avait de l'autorité, l'autre, c'est l'autorité réelle? Oui, c'est ça. Ben, si elle avait de l'autorité réelle, elle dirait plutôt, OK, comment est-ce que je peux communiquer à mes employés le fait qu'ils se poignent le beigne? Il y a une différence, hein? Donc, dans l'autorité, l'individu a l'autorité de sa conscience. Il n'a d'abord pas l'autorité de sa conscience absolue, mais il devrait y avoir une autorité qui lui permet d'être dans sa parole et de communiquer chez les autres, si c'est ses employés, et il ne veut pas les mettre à la porte, mais il va peut-être être obligé d'en mettre un à la porte pour passer le message. Mais s'il le fait parce qu'il veut démontrer que c'est lui de boss, il a un problème. Parce que ce qu'il veut faire, c'est que s'il met un employé à la porte, c'est parce qu'il est capable de détecter chez cet individu-là que jamais il ne sera capable de fonctionner dans le groupe parce que sa conscience est trop astralisée. C'est ça la différence entre l'autorité réelle et l'attitude de l'autorité. C'est on donne une valeur à son autorité. Alors qu'une autorité réelle, comme c'est mentionné, ce serait plus une autorité de savoir c'est quoi qui doit être fait. Et c'est certain que si vous avez des insécurités dans votre ego, vous allez vous faire tester par rapport à ce que vous faites et vous allez demeurer dans le doute et jusqu'à temps que vous grandissez en autorité. Parce que l'autorité, c'est très difficile à obtenir, l'autorité. Si on regarde les hommes politiques, sont énormément dans des attitudes autoritaires. Si on pose la question, est-ce qu'une commission d'enquête devrait être faite au Québec? Dans ce cas-ci, Jean Charest protège son territoire et il y a eu Jacques Duchesneau qui est allé témoigner disant qu'il en avait besoin d'une. Mais tout ça, c'est une question simplement d'autorité pour se protéger en tant qu'égaux. Mais l'intelligence de tout ça, ça serait de savoir, est-ce qu'à un moment donné, on doit mettre de l'ordre dans la baraque? Et si on doit mettre de l'ordre dans la baraque, la personne qui doit le faire, c'est assurément le premier ministre. C'est parce que c'est lui. Mais on n'est pas dans une volonté intelligente en société. On ne peut pas dire que Jean Charest a la direction de la société québécoise dans ses mains. Il a une direction, c'est un plan sud ou un plan nord, et c'est tout, mais il n'a pas la conscience. La conscience n'est pas descendue. Donc, est-ce que ça répond à la question? Oui. Dans le fond, oui, c'est sûr que là, vous parliez par rapport au scandale qu'il y a actuellement de la construction, à savoir si on doit faire une enquête ou pas. Et de ce que je comprends, de ce que vous dites, c'est qu'actuellement, les autorités politiques sont pas assez intelligentes pour gérer le dossier intelligemment. C'est pour ça que ça traîne de la patte, là, que ça aboutit pas. Oui, c'est ça. Parce que il y a deux choses qui doivent être éliminées en société. D'abord, toute la drogue. Ça doit être éliminé un jour en société. Parce que, si vous comprenez bien, là, le crime organisé dans la construction, parce que indirectement, c'est des vendeurs de drogue. Il n'y a pas 56 000 solutions. Et la drogue, c'est une des forces astrales de la noirceur les plus puissantes sur la Terre, avec l'Internet et la prostitution et la sexualité. Pas la sexualité réelle, mais le sexe qu'on parle ou quoi que ce soit. Ce sont des énergies puissantes avec l'argent. C'est un milieu qui va demander une déconfiture de la planète avant que ce soit la volonté des gouvernements soit noble et intelligente pour éliminer ça. On parle peut-être de 15-20 ans. Je vois pas dans le... Donc, qu'ils fassent une commission d'enquête ou pas, ça va satisfaire la conscience psychologique du Québec. Donc, ça va être bon pour la souffrance psychologique du Québec qui souffre énormément de voir qu'il y a tant de corruption. Mais moi, je sais que la corruption doit être là parce que il y a pas d'individu assez intègre en société pour permettre à un gouvernement de d'effacer ça. Ça va prendre des chocs. Les chocs, ils sont voulus et ça va venir avec le temps. OK. Et à présent, j'aimerais bien vous entendre parce que j'abordais d'entrée de jeu en émission la distinction entre la volonté, l'intelligence et l'amour. J'aimerais bien vous entendre sur le fait que Richard Glenn, lui, ce qu'il disait, c'est que les Allemands, dans le cadre de l'Allemagne nazie, entre autres, avait développé une volonté. Tu sais, Adolf Hitler parlait de l'éloge de la volonté de puissance, ce genre de choses-là. Ensuite, il y a eu les Américains qui ont développé une intelligence technique avec les technologies qui ont été développées aux États-Unis par la suite. Et lui, ce qu'il disait, c'est que dans l'avenir, dans le futur, ça va être les Chinois qui vont développer la capacité d'amour. Ben... Je peux pas tellement en dire de choses là-dessus. Je pourrais vous dire que si c'est les Chinois qui développent le côté de l'amour, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Parce que si c'est un peuple qui développe l'amour, on est dans la merde, que ce soit n'importe quel peuple. Parce que ça va tout... Un peuple, il ne faut pas oublier, c'est une race. Et une race, ça peut être polarisé. Mais un peuple, ça peut être dépolarisé par l'intelligence de ce peuple. Moi, je ne vois pas beaucoup d'intelligence en Chine, malgré que c'est un peuple qui est là depuis des millénaires. On ne peut pas être dans un pays communiste et enlever la liberté d'un individu et le mettre en prison lorsqu'il parle contre le gouvernement. Ce n'est pas réel. Donc, si le principe de l'amour se développe en Chine, je serais très, très, très surpris. Parce que d'abord, les Chinois ne savent même pas ce qu'est la liberté. Donc, il n'y a pas d'intelligence là. Oui, c'est vrai. Par contre, la Chine actuellement vit un essor économique fulgurant. Mais l'essor économique, ce n'est pas la réalité de la vie. C'est un segment de la vie. Le plus beau segment de la vie, vous savez, c'est quoi? La plus belle, le diamant qui fait que l'homme est un grand être, ce n'est pas sa capacité de gérer sa vie économiquement, c'est la capacité de gérer l'occulte de la vie intelligemment, de savoir C'est quoi qui l'empêche d'être libre et de rendre l'autre libre? C'est ça le plus grand défi de l'homme, de se rendre libre lui-même et de rendre l'autre libre. Je ne crois pas que la Chine est près de ça. Et les États-Unis sont beaucoup plus près de ce principe que la Chine. Parce qu'aux États-Unis, la liberté fait partie de leur Constitution, c'est le premier amendement de la Constitution américaine. Et vous allez aux États-Unis, il y a énormément de mouvements aux États-Unis, alors que la Chine, c'est stationnaire. Oui, mais vous allez me dire, oui, mais il y a énormément d'essor, mais un essor économique pour servir qui? Ça sert qui? Ça va servir à quoi, ça, dans 5 ans, dans 10 ans, quand le marché économique va être sur le derrière? La Chine va tomber comme n'importe quel autre pays. Ils sont déjà en train de ralentir parce que il y a un autre pays qui est prêt à se prostituer pour des prix inférieurs. Donc, la main-d'œuvre est déjà en train de se déplacer vers l'Inde, le Vietnam, pour fabriquer des vêtements encore moins chers parce que la Chine, les gens ont descendu dans la rue pour protester, pour avoir plus d'argent pour une journée de travail. Mais qu'est-ce que les multinationales ont fait? Ben, ils disent, ça coûte trop cher, on va aller ailleurs. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de direction intelligente. Et l'Allemagne, c'est un mouvement totalement occulte. Ce que Hitler était, ce n'est pas une conscience qui avait aucun lien avec le développement de l'individualité de l'homme. C'était tout racial, c'était tout un principe occulte qu'il n'a jamais compris lui-même et que la Terre va comprendre dans 1000 ans. Ou peut-être un peu avant, dépendamment des individus, va comprendre le principe de Hitler, pourquoi Hitler était si dominant au niveau de sa psyché occulte pour manipuler un peuple entier vers une volonté inflexible qui s'appelait tout simplement l'endoctrinement des forces de la noirceur sur la conscience d'un seul individu. On peut appeler ça un antéchrist, indirectement. Il n'y avait aucune intelligence dans cet homme. Cette intelligence-là était soutenue par des forces astrales de la noirceur d'une très grande puissance qui provenait des Indes. Et ce sont des chamans qui ont nourri pendant des siècles cette énergie-là pour que se produise un grand antéchrist. Et c'est la même chose qui se produit présentement. Au moment où je parle, il y a des individus qui travaillent avec la musique, qui travaillent avec l'Internet pour produire chez la jeunesse et chez la société, un déséquilibre aussi grand que ce que Hitler a créé dans ces années. Donc, les gens s'attendent peut-être à une guerre, je ne sais pas, moins matérielle. Ce n'est pas une guerre matérielle qui se passe maintenant. C'est une guerre au niveau de la conscience, de la possession du territoire psychique de l'homme pour qu'il s'empêche d'être libre. C'est intéressant, ça. Ben oui. Donc, ce que vous dites, c'est qu'actuellement, il y a des forces qui utilisent les nouveaux médias. À 100%. OK. Puis, je serais curieux... Et vous, pourquoi vous faites ceci? Peut-être que c'est un de vos grands mandats d'être présent dans un territoire pour faire éclater des formes dans ce monde-là. Je ne sais pas, moi, votre statut premier, un jour, il devra vous être dévoilé, et il va vous être dévoilé lorsque vous allez avoir l'autorité de conscience de parler avec votre double d'une façon où il n'y aura pas d'interférence de sa volonté à lui. Ça va être votre volonté qui va se confronter à elle dans un choc du temps. Et ce choc-là va naître votre intelligence. Il va dire, ah, vous êtes intelligent, mon tabarnak. Il va être obligé de vous dire, le double, que vous êtes intelligent. S'il ne vous le dit pas, c'est parce qu'il vous ne l'avez pas encore assez envoyé chier. C'est ça que ça veut dire. Là, je suis très fâché. Je m'excuse pour... Non, c'est correct. Ça fait passer la vibration. Mais ce que je voulais bien comprendre, parce que tantôt, tu sais, vous parliez que le double nous fait chier pour nous mettre à bout, pour développer notre puissance de volonté, puis qu'on l'envoie chier, là, qu'on égalise la relation. C'est parce que, vous savez que lui, il sait qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Il n'a pas besoin de le réfléchir, il est déjà dans le principe d'intelligence. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que sinon, on se suiciderait tout si le double n'était pas intelligent. Mais... quand vous arrivez à un stade d'autorité par rapport à votre propre volonté et votre propre intelligence, c'est à ce moment-là que vous avez départagé les impuretés de votre non-intelligence et les impuretés de votre non-volonté. Ce qui vous donne alors la justesse de la parole pour confronter celui qui indirectement vous a testé ou a été là pour vous nourrir ou même se retirer, hein, avec parce que tout individu a une entité maîtresse. Une entité maîtresse, c'est une entité du monde de la mort qui doit caractériser l'ego pour donner à l'âme une certaine énergie pour que l'individu ne se suicide pas et pour que l'individu ait la présence de croire que sa vie vaut la peine. L'entité maîtresse utilise donc toutes les mémoires pour que ça remonte à surface. Et le double, c'est tout ça. Le double, c'est comme si, vous savez, il y avait, si vous prenez une image, il y a un petit bonhomme qui parle dans votre tête, il y a un côté, c'est l'enfer, et l'autre côté, c'est le petit ange. Bon Dieu. Oui, c'est ça. Donc, ben, le petit ange, ce serait le double, puis l'autre côté, ben, c'est l'entité maîtresse, qui, elle, est là pour, indirectement, faire surgir dans l'âme les faiblesses. Parce que l'âme doit se triompher. S'il ne se triomphe pas, il va rester mémoriel, il va rester dans ses impuissances d'âme. Et plus l'homme se triomphe et plus le discours avec le dialogue et avec les doubles se fait, moins l'entité maîtresse a préférence et un jour, son lien est totalement épuré parce que l'individu n'a plus de lien avec le monde de la mort. L'homme, sa conscience n'a plus de lien avec le monde de la mort. Si vous me demandez, est-ce que j'ai des liens avec le monde de la mort, c'est seulement pour les rappeler à l'ordre. C'est le seul lien que j'ai avec le monde de la mort. Quand je vais mourir, ça va être différent. On va tout être testé dans la mort pour savoir quelle est la réelle identité cosmique de votre intelligence. Et si vous savez quelle est la réelle identité cosmique de votre intelligence, vous n'avez même plus de problème avec la mort. Vous pouvez mourir quand vous voulez parce que l'agenda de votre conscience n'est plus importante au niveau de la planète. Elle se situe à un autre niveau. Vous êtes universel, vous êtes, je ne sais pas, vous ne mourrez pas. OK. Mais dans le fond, par rapport au double, puis distinguer le double de l'astralité, parce qu'il faut mater les forces de l'astral, puis il faut aussi, oui. Le double essaie aussi de nous faire chier, puis il faut se positionner contre lui. Fait que c'est quoi, comment qu'on fait la distinction entre les deux? Bien, le double, il est là pour vous faire chier, parce qu'indirectement, lui, il doit vous amener à l'apex de votre volonté. Il doit vous amener à un apex de volonté où va surgir le réel de votre intelligence. Quand on commence dans ce processus-là de l'ajustement de la conscience supramentale, l'individu va faire des erreurs. Il va penser qu'il était dans sa volonté. S'il est moindrement intelligent, il va reconnaître, OK, je pensais que j'étais dans ma volonté et j'étais dans une fausse volonté. Donc, il développe de l'intelligence. La prochaine fois, il va vivre la même expérience, mais là, il va peut-être un petit peu plus dans sa volonté parce que son autorité va être un peu plus réelle, son intelligence va monter aussi. Et quand ces deux événements-là vont se rapprocher, sa volonté et son intelligence vont être parfaitement ajustées, le double ne pourra plus le tester parce qu'il n'y a plus d'espace entre sa volonté et son intelligence. Est-ce que vous voyez ça? Ah, dans le sens qu'il serait plus aligné, il serait plus précisé, il serait plus centré. Et la fusion serait complète. OK. Et quand la fusion est complète, le corridor de l'énergie de l'amour qui jadis pouvait toucher ce rayon de fusion-là avec l'intelligence et la volonté, va pénétrer davantage parce que les forces de la lumière savent que le taux vibratoire du double n'est pas suffisant pour supporter la lumière dans l'homme parce que la lumière, la vibration ne passe pas à travers le double pour l'amour. Elle passe, c'est une énergie indifférenciée, universalisée. Donc, elle ne passe pas à travers le double. Elle passe à travers simplement la conscience atomique d'un homme incarné parce que le principe de l'amour a été créé pour l'homme indirectement pour qu'il puisse, dans un autre espace-temps, développer cette nouvelle dynamique d'énergie qui est un apex de nucléaire de la conscience cellulaire qui doit se partager dans d'autres aires-galaxies. Le principe de l'amour, les forces de la lumière ne sont pas intéressées au principe de l'amour. Ils sont intéressés à la vitesse d'exécution de la créativité dans un univers où il n'y a pas d'espace-temps. Parce que c'est ça qui leur donne leur vitesse de déplacement. Et plus une entité de lumière a une vitesse de déplacement, plus elle est libre parce qu'elle peut aller dans des galaxies très, très, très éloignées sans avoir aucune restriction. Donc, pour les forces de la lumière ou pour les plans parallèles, le principe de l'amour, ce n'est pas une question d'aimer l'homme ou d'aimer les plans ou on dirait en anglais irrelevant, ça n'a aucun rapport. C'est un principe cosmique simplement pour permettre à l'homme d'intégrer un espace-temps qui va lui permettre d'aller dans d'autres espaces-temps. Pensez-vous vraiment que les extraterrestres ou certaines intelligences de d'autres mondes possèdent l'amour, possèdent la capacité de se censurer? Comment se fait-il qu'il y a des êtres qui viennent ici et qui enlèvent des individus et qui font des expériences? C'est parce qu'ils n'ont pas développé le principe de l'amour. Ils ne le connaissent même pas. Et c'est l'homme qui va les éduquer. Ils vont leur dire, qu'est-ce que tu fais ici, mon sacrement? Puis il va être obligé d'écouter. Il va être confronté à une autorité qu'il n'aura jamais vue. Il va être même aveuglé par cette conscience-là. Mais si l'homme rencontre des extraterrestres ou s'il rencontre des êtres venant d'ailleurs, et il n'a pas la volonté et l'intelligence intégrale d'être dans sa force atomique, il va se faire manger tout rond. Donc, autrement dit, si je vous comprends bien, l'individu qui est inconscient va se faire enlever à son insu par des extraterrestres parce que... Il va faire comme Mesmer fait à la télévision, là. Vous connaissez Mesmer, là? Oui, il va être hypnotisé. Ouais. Ben, il va faire la même chose. L'individu va dire, oui, j'ai confiance en toi, puis hypnotise-moi parce que t'es plus grand que moi. Donc, il se laisse assujettir sa volonté par une force... Une dynamique occulte qu'il ne comprend pas. C'est ça. Donc, autrement dit, l'individu qui va développer sa conscience va être capable de tenir tête éventuellement aux extraterrestres, puis il ne sera plus enlevé puis manipulable par eux. Ah, ça, c'est s'ils existent vraiment. Oh! Là, on a une question. Parce que l'homme doit savoir ça pour lui-même. Moi, je fais que défaire ce que je viens de dire. Parce que c'est important que les hommes ne croient pas ce que je dis. C'est à eux autres de savoir si c'est réel ou pas. Ouais, ben c'est sûr que par rapport au phénomène extraterrestre, il y a beaucoup de témoignages qui ont été compilés au fil du temps. Fait que c'est sûr que je peux. Tu sais, il y a tellement de témoignages, il y a tellement de vidéos aussi, de photos. Il y a beaucoup d'artefacts et d'éléments qui nous laissent croire qu'ils existent, là, tu sais. Donc, un jour, ça va probablement être communiqué au peuple quand il sera pris en son temps. C'est ça qu'on peut déduire de cette expérience-là, présentement. Mais moi, je ne verrais pas l'avantage pour les hommes de dialoguer avec des êtres venant d'ailleurs s'ils n'ont pas l'autorité d'être présents en conscience de qu'est-ce que c'est un être qui vient d'ailleurs. Ça, je ne vois pas... Je ne vois pas l'utilité de vouloir jaser avec l'invisible si vous n'êtes pas capable de mettre de l'ordre dans votre vie. Donc, si l'individu, par exemple, il regarde son appartement ou sa maison aujourd'hui, puis c'est du désordre, ça lui donne absolument rien de communiquer avec l'invisible. Oui, exactement. Exactement. Tu sais, si tu n'es pas capable de t'entendre avec ton voisin sur le plan individuel ou sur le plan collectif, si tu es en conflit en différents pays, tu sais, on regarde l'Israël par rapport à la Palestine, il y a toujours plein de tensions partout sur Terre. Fait que tant que ça ne sera pas réglé, il me semble que ça ne sera pas intelligent. C'est plus un niveau individuel, par contre. Parce que ça, c'est des consciences de masse qui s'opposent. C'est des formes astrales très puissantes. Si, supposons, vous êtes chez vous et il y a l'ordre dans votre maison, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous entendre avec votre voisin, mais au minimum, vous êtes capable d'aller communiquer avec votre voisin le non-respect si cela se produit dans une façon intelligente. Et si le voisin continue de passer sa tondeuse à 6h, 7h le matin, ce sera peut-être à vous de déménager, parce que lui, c'est pas lui qui va déménager. C'est pour ça que s'entendre avec son voisin, c'est pas nécessairement réel non plus. C'est à soi de savoir où on doit être. Et parce que si on décide de vous casser les pieds, on peut vous mettre n'importe quoi, on peut vous faire arriver un nouveau boss au travail puis qui vous fait chier pour vous faire changer de job. Lui, il n'en a rien à foutre de vouloir communiquer avec vous. C'est le pouvoir qu'il veut. Et le pouvoir va gagner parce qu'il n'y a pas d'intelligence sur la Terre. Ça se comprend? Dans le sens que... Il n'y a pas d'intelligence sur la Terre. Et avec vous, là, on a une conversation agréable et ça sera aux gens de décider si c'est intelligent ou pas. C'est pas à nous de dire si ça l'est ou pas. Hein? Nous autres, on parle, puis les gens, s'ils vont dans leur propre intelligence, ils vont dire « Ah, j'aime la façon dont ça parle ». Parce que la façon dont ça parle, c'est pas nous autres qui parlent. Si on a un travail réel à faire, si on est supposé d'être un homme public ou parler en public, c'est pas nous qui parlons. C'est pas le « je » qui parle. c'est sa conscience, c'est sa parole au niveau de qu'est-ce que l'homme a comme identité ou qu'est-ce qu'il est comme identité. Il y a beaucoup de gens qui veulent donner des conférences, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ci et cela. Il y a, regardez le nombre d'artistes qu'il y a en société. Mais des Félix Leclerc, il n'y en a pas 10 au Québec, hein? Non, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui se sentent appelés, mais il y en a peu qui sont élus. Et voilà, les Ginette Renault, ça a de l'éther, ça, Ginette Renault. C'est une chanteuse. On peut appeler ça une chanteuse, ça a de l'éther. Mais les autres, là, ils sont nourris par quelle énergie astrale pour créer ce qu'ils font? Tu sais, quand on utilise la sexualité sur scène là, pour passer sa chanson, là, c'est loin d'être de l'éther, ça. Oui, ben c'est sûr qu'on peut se questionner quand on regarde des vedettes hollywoodiennes de la musique comme des Britney Spears, des Lady Gaga, puis... qui sont presque tenues nues sur scène. Imaginez Ginette Renault presque tenue nue sur scène. Elle ne voudrait jamais faire ça. Ben surtout avec son poids, là. mais ça serait peut-être pas agréable à regarder nue. Mais c'est pas une question d'être agréable d'être regardée nue ou pas. C'est qu'elle est assez intelligente pour ne pas utiliser un corps astral pour faire à croire qu'elle est une bonne chanteuse. Elle le sait qu'elle est une chanteuse. C'est un éther, Ginette Renault, quand elle chante. Tout comme Félix allait en France avec sa guitare et se foutait bien de tous les artifices qui pouvaient tourner autour. C'est ça la différence. Vous regardez un spectacle de musique aujourd'hui, c'est beaucoup plus les effets lumineux que la musique en soi. Oui, ben c'est ça, les gens aiment avoir des choses qui vont nourrir leur corps astral, qui vont les faire vibrer dans leurs émotions et non pas leur identité réelle, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est très difficile pour l'homme de départager tout ça. Puis je donne très peu d'espoir aux gens qui pensent que ça va se régler dans les années à venir parce qu'il va y avoir des chocs, qu'on va comprendre plus de choses. Ça va être individuel. C'est dommage, ça va être individuel pour encore 30 ans possiblement. La conscience va se développer individuellement. Et un jour, les gouvernements vont être prêts à accepter de parler un peu plus de conscience et de donner des lignes directrices pour que s'harmonisent les éthers sur la Terre. Mais il risque de se passer énormément de choses en 30 ans. Si on regarde les 30 dernières années, comment ça a évolué rapidement au niveau de la technologie et de l'astral sur la Terre, c'est très difficile d'avoir la paix sur la Terre aujourd'hui. Les endroits, ils sont pollués d'énergie astrale. Il faut vraiment avoir un centre de gravité incroyable et une conscience intégrale pour ne pas être touché par cette pollution-là au niveau sonore, au niveau visuel, au niveau psychique, etc. Puis à ce niveau-là, est-ce que vous croyez qu'actuellement les énergies s'accélèrent? Et s'accélèrent, mais pour ceux qui ont, ils doivent être ajustés pour qu'il y ait suffisamment une masse psychique suffisamment forte pour supporter la déconfiture qui s'en vient. Donc, si vous prenez votre mouvement avec cette radio-là sur l'Internet, vous touchez peut-être 50 personnes, je ne sais pas. Ben, actuellement, il y a 27 personnes qui nous écoutent en direct. 27. Puis je vous dirais que mes émissions sont téléchargées en moyenne entre 300 et 1500 téléchargements dans les jours qui suivent. Ah, mais c'est très bon. C'est très bon. Vous voyez, c'est ça la beauté de l'Internet. C'est l'accès à l'information. Et c'est la plus grande... si vous voulez savoir la raison de l'Internet sur la planète Terre d'un point de vue évolutif, c'est ce que vous venez de mentionner. L'accès à l'information sans qu'il y ait de barrières. La transparence est présente parce que sur l'Internet, il se dit beaucoup de stupidité, mais quand le point de vue est intelligent, ça marque autant de points que toute la stupidité qui s'est dit. Parce que l'intelligence, c'est ça, ça repousse les frontières de l'astral. Et les frontières aussi physiques, parce que mon émission est actuellement diffusée en France. J'ai reçu des Français, quelqu'un aussi en Suisse. Donc, c'est ça. Il y avait Odyssée qui posait comme question. Est-ce que vous auriez des trucs à nous donner pour se protéger de la pollution astrale auquel vous faisiez allusion il y a quelques secondes? Je ne vais pas donner un truc, mais je vais donner une structure de pensée. Une structure de pensée, c'est un état, c'est un... Je dirais pas que c'est un mantra, là. Hein? Allez pas penser que c'est un mantra, mais ça a la même vibration. Parce que dans le temps, on donnait aux gens des mantras. Donc, un truc pour se protéger de la pollution astrale, ce serait d'avoir une structure mentale avertie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devriez être capable de vous dire à tout moment dans votre tête, à tout moment, il y a une game qui se joue. Il y a toujours une game qui se joue. À votre insu, soit que vous en êtes le participant ou le spectateur. Il y a toujours une game qui se joue. Donc, vous êtes dans la rue et tout à coup, il y a quelqu'un qui se met à vous engueuler parce que, je ne sais pas, vous n'étiez pas présent, mais il y a une game qui se joue. C'est une pollution. On essaie de vous pénétrer dans votre tête et vous, en étant conscient qu'il y a une game qui se joue, vous allez être capable, avec le temps, d'avoir... la capacité mentale de dire je suis scient de ce qui se passe. Et l'homme doit être scient de ce qui se passe. Ça veut dire que si vous rentrez dans un restaurant et vous savez qu'il y a énormément de pollution mentale ou astrale, c'est-à-dire, c'est à vous de dire, bon, j'aime ce restaurant, où est-ce que je peux m'asseoir? C'est à vous d'identifier. Parce qu'il y a toujours une game qui se joue. Et si vous n'êtes pas conscient de la game, c'est vous qui allez payer le prix. C'est-tu, ça répond-tu à la question? Donc, autrement dit, si par exemple, je vais dans un restaurant, c'est sûr que moi, intuitivement, je vais m'organiser pour ne pas me mettre à côté des gens qui sont bruyants ou que je suis astralisé. Donc, vous limitez la pollution mentale sur votre, la pollution astrale sur votre conscience. Parce que vous êtes déjà présent qu'il y a une game qui peut se jouer contre vous. Oui, dans le sens que des fois, on est dans la rue où on voit, c'est encore pire, oui, dans les spectacles de musique rock, on voit qu'il y a des gens qui sont survoltés. C'est sûr que je n'irai pas en avant, proche où ce que sont les chanteurs, où ce que les gens font du slam. Ils vont se rentrer, oui, dedans, puis ils vont se mettre à hurler comme des malades. T'sais. Oui, ben, dans un spectacle rock, vous devez savoir que c'est rien que les énergies astrales qui sont là. Donc, c'est déjà pollué au corps de tour. Donc, il n'y a aucune musique rock qui va permettre un équilibre de l'homme. Aucune. Parce que cette musique-là produit des sons qui ne sont pas en ajustement avec pour permettre l'alignement des corps de l'homme avec sa conscience supramentale. C'est un jeu astral, c'est une grande, grande game. Vous êtes beaucoup mieux d'écouter une petite pièce de guitare à la maison, peut-être d'écouter une musique qui n'est pas trop agressive. Si la musique rock que vous écoutez à la maison a de l'harmonie, ça peut durer une pièce. Mais je serais très surpris que vous allez écouter plus qu'une pièce. Plus vous allez devenir sensible psychiquement à votre énergie, plus vous allez vous apercevoir que cette énergie-là rentre indirectement dans le plexus solaire ou passe indirectement par le corps astral du chakra sexuel. C'est un ou l'autre. Britney Spears, c'est facile, là, hein? Oui. Mais c'est OK. Lady Gaga, c'est les deux. Mm-hmm. Puis si vous prenez Félix Leclerc, ben, c'était juste pour l'harmonie de la tête. C'est ça la différence. Prenez Mozart, c'était pour l'harmonie de la tête. OK. Tu sais, Mozart a créé des grandes musiques pour harmoniser les rois, lui permettre d'avoir une certaine harmonie dans un monde qui n'avait pas d'allure. Ça n'avait pas d'allure dans ce temps-là comparativement à aujourd'hui. Malgré que dans ce temps-là, il y avait des richesses plus nobles au niveau... il y avait des valeurs qui étaient en bourgeoisie, mais qui permettaient une certaine noblesse dans la société. Les gens étaient bien habillés. On ne montrait pas ses tatous au coin de la rue. On ne se montrait pas le sexe non plus au coin de la rue. Les gens avaient une certaine noblesse dans le vêtement. On n'a plus ça aujourd'hui, hein? C'est les ceintures le plus bas possible à la taille pour les femmes, les pantalons, des décolletés. Et les hommes, ben, c'est pas tellement mieux non plus. Donc, ça vous donne une petite idée de... Mais je vous dirais qu'avec le temps, j'ai décroché de la musique rock, puis plus en plus, j'écoute de la musique classique, fait que le changement s'opère, en tout cas dans mon cas. Oui, parce que il y a des belles musiques encore. Faut pas nier la musique, parce que la musique a encore beaucoup de belles harmonies. Vous pouvez écouter des chansons d'individus qui ont fait des pièces rock dans les années 80. Il y avait beaucoup plus d'harmonie dans ces années-là que certaines harmonies aujourd'hui. Aujourd'hui, on compresse le son. Avec la radio, le son est compressé, puis le numérique... il faut choisir ces éthers. Il ne faut pas se laisser berner par... Il y a des gens qui font de très, très bonne musique encore aujourd'hui. Il y a des artistes qui sont capables d'amener des harmonies qui apaisent la conscience humaine. Mais la musique, c'est temporaire, parce que la plus belle beauté de l'homme, c'est la capacité d'être dans son esprit et de s'habiter seul. Et quand il écoute une musique, c'est parce qu'il a le goût d'écouter de la musique, c'est pas parce qu'il s'ennuie ou c'est parce qu'il veut être en compagnie de la musique ou quoi que ce soit. Il y a différentes façons de voir la vie et ça dépend de la sensibilité de l'individu. Quand on devient extrasensoriel, très difficile d'écouter de la musique qui fait bang bang. Même si vous avez aimé ça plus tard dans le passé, c'est très très difficile. C'est difficile sur les corps. OK. Sinon, dans un autre ordre d'idée, je serais curieux de vous entendre par rapport à la fonction du Québec en tant que province, puis peut-être éventuellement pays par rapport au monde entier. La définition de pays ne sera plus valable dans la mesure que le peuple québécois va savoir qui il est. Et il va se découvrir dans la parole de cette conscience qui se développe. Un individu ne peut pas développer une vision de l'avenir pour la planète s'il ne sait pas qui il est. Donc, quand les gens disent que on est dans une société aujourd'hui où tous les pays sont reliés, interreliés, c'est réel, mais il faut que ce soit pas simplement au niveau économique. Il faut que ce soit au niveau de la conscience cellulaire, au niveau du projet de la Terre, au niveau d'un ordre qui est plus grand que celui des gouvernements actuels. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une régence planétaire. Et le support de la régence planétaire va être très fort au Québec. Très, très fort. Ça vous donne-tu un peu d'informations? Donc, autrement dit, ce support de la régence planétaire va être très fort au Québec, c'est-à-dire qu'ici, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se conscientiser? Oui. Et c'est ça, vous avez compris. C'est que l'individualité de plusieurs individus va être capable de supporter le choc du futur. Et la régence planétaire va être indirectement une façon pour les hommes de connaître la direction que doivent prendre les forces évolutives dans un espace très fermé. Ce ne sera pas... Il ne faut pas penser qu'on va pouvoir parler de conscience supramentale à l'université là, en 2025. Là. il faut pas se donner des illusions. Là. Peut-être en 2080, il va y avoir des cours à l'université sur la conscience supramentale. Donc, on est très loin encore. Ça peut arriver avant, mais ça me surprendrait beaucoup que les universités acceptent. Ils préfèrent avoir des cours spirituels encore, parce que la spiritualité, c'est très forte. C'est supporté par des âmes du monde de la mort très, très puissants qui s'acharnent à vouloir colorer la vie de l'ego. Parce qu'eux autres, ça leur donne une conscience absolue du réel. C'est pour ça qu'ils se permettent de donner à l'homme le prisme d'une vie heureuse, alors que dans le fond, quand les lunettes roses vont débarquer du bout du nez, parce qu'il va perdre toutes ses illusions dans une très grande déception. Je peux vous assurer une chose, les êtres spirituels vont vivre de grandes déceptions dans les années à venir, de grandes déceptions. Dans le sens que la spiritualité, pour vous, dans votre vision des choses, c'est de l'illusion. Donc, ils vont être déçus s'ils sont illusionnés dans ce sens-là? C'est plus grand que ça. Okay. Parce que c'est une façon de... C'est un égrégore puissant, la spiritualité. C'est un monde en soi, la spiritualité. Et ce monde a permis de générer dans l'homme une conscience que la vie valait la peine d'être vécue. Si vous regardez la vie après un choc et vous mettez ça avec des lunettes roses, vous dites, ah, mais je suis quand même chanceuse, j'ai encore la vie. T'sais, vous venez de perdre deux jambes, vous dites, ah, mais je suis encore chanceuse, je suis encore en vie. Moi, c'est mange la marde, la vie. Faites-moi pas chier, vous venez de me faire perdre deux jambes, vous venez de m'enlever de la liberté. C'est la guerre qui commence. On compte les plans, contre les forces qui ont décidé que j'allais perdre ces deux jambes-là. Donc, c'est pas la même chose. Oui, dans le sens que vous allez vous mettre en opposition contre les forces, tandis que quelqu'un qui est dans la spiritualité va dire, merci mon Dieu, même si j'ai mes deux jambes, je suis encore en vie, merci Jésus. Oui, c'est puis, ça. C'est okay. ça, c'est ça la spiritualité, c'est un monde en soi, c'est une doctrine. C'est imposé à la conscience de l'homme pour lui permettre de ne pas voir que l'invisible n'est pas plus intelligent que lui. Okay. C'est une entité. Faites l'expérience. Mais non, je ne vous suggère pas de faire l'expérience, mais vous pouvez faire l'expérience. Allez en forêt et parlez à ces entités spirituelles-là qui sont dans les forêts ou quoi que ce soit. Donnez-leur de la marde. Je vais vous dire, ils ne seront pas tellement contents que vous soyez là. Parce que vous allez les déranger. Puis si vous rencontrez quelqu'un qui est très spirituel, allez voir sur le plan de sa conscience quand vous la rencontrez, si c'est réel. Et l'entité ne voudra même pas vous parler parce qu'elle sait qu'elle va être dévoilée automatiquement par votre regard. C'est très fort la conscience. C'est au niveau du regard. C'est pour ça que quand vous dites, quand l'individu va être savoir que c'est une game qui se joue tout le temps, il va se développer une structure mentale tellement individuelle en lui-même qu'il va avoir la capacité automatique de confronter le regard de l'autre, pas matériel, mais confronter le regard de l'autre à sa réalité, c'est-à-dire le compte, tout ce qui entoure. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais quand je vois une personne, je vois, comme vous dites tantôt, si Ginette Renault se dévêtue, je ne la verrais pas qu'elle se dévêtue, parce que moi, personnellement, c'est sa couronne mentale et je vois tout ce qu'il y a autour. Oui, je peux voir ses failles, mais indirectement, où elle va-t-elle chercher cet éther-là ou quoi que ce soit? C'est la même chose quand vous vous promenez sur la rue, vous dites, ah, lui, je change de rue, je ne veux pas le rencontrer, je change de trottoir parce que je ne veux pas le rencontrer. Moi, il y a une place que je vais ici, là. Je vais à un café souvent, là. Puis cet individu-là, c'est un maître du charme. Et il met tout le monde dans sa poche. Mais il n'y a aucun respect pour l'homme. Et c'est plate parce que j'aimais beaucoup aller à cet café, à s'asseoir à un tel endroit dans le café, mais là, je ne peux plus parce que je sais ce qu'il va faire. Il va venir s'asseoir à côté de toi, même s'il n'y a pas de place dans tout, même si le café est vide, il va venir s'asseoir à côté de toi parce que lui, il a décidé que ça, c'était sa table et que personne ne touchait à sa table. Et tout le monde est charmé par cet homme-là parce qu'il a une parole facile et etc. Mais moi, je vois ce qu'il y a autour. Et je vois indirectement que c'est ce que je ne me laisserai pas exposer à cette astralité-là. C'est tout ce que, et je n'ai pas à le corriger parce que lui, il n'a pas à être corrigé. Si on veut savoir c'est quoi l'amour de l'homme pour l'homme, il y a des fois que vous ne devez pas interférer avec le processus de l'individu parce que vous êtes déjà dans l'astralité ou dans l'illusion que vous devez aider l'homme et ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous allez par en dedans et vous vous demandez « Mais pourquoi cet individu est là ?» C'est peut-être pour vous faire savoir que indirectement, l'astral, c'est puissant. C'est peut-être ça la réponse. Ou ça veut dire peut-être indirectement que c'est à vous d'aller vous tasser parce que l'homme ne peut rien pour l'homme. On ne peut pas protéger l'homme, on ne peut pas sauver l'homme. Et le Christ l'a senti sur la croix quand il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a réalisé sur l'instant même qu'il n'a pas été abandonné. C'est lui qui s'est joué dans l'illusion qu'il pouvait aider l'homme. Il avait seulement une autorité sur la terre et c'était celle d'ouvrir le corridor de l'amour il y a 2000 ans. Et c'est la seule autorité qu'il avait. Il l'a seulement compris quand il était mort. Il ne l'a pas compris avant. S'il l'avait compris avant, il aurait dit « Mort et de la merde, je ne vais pas aller me faire crucifier sur une croix pour vous autres. » Mais c'est ça, mais de toute manière, pour reprendre votre exemple là, par rapport à l'individu au restaurant qui charme tout le monde puis qui manipule, puis vous voyez clair dans son jeu, vous n'êtes pas dupe, ben c'est que à ce moment-là, je crois que l'individu, à force de manipuler les gens tôt ou tard, il va avoir quelqu'un qui va le démasquer quelqu'un d'autre. Puis, il y a déjà eu des conflits c'est ça, avec d'autres clients. Exactement, hein, fait qu'au lieu que ça soit soi qui se mette en opposition contre lui puis qui subisse la merde, tôt ou tard, quelqu'un qui n'est pas ajusté, il va avoir des situations ou des contextes qui vont l'amener à s'ajuster. Oui, mais pas nécessairement. Regardez Hitler, il ne s'est pas ajusté. Hein? Il y y a beaucoup de gens qui lui ont dit qu'il lui écrit de l'opposition. Est-ce que vous, si une personne est sous l'agenda de la noirceur, oubliez ça. Mais quelque part, il va se perdre. Si ça ne s'ajuste pas ultimement, l'ajustement final, c'est la destruction de son ego. Lui peut être en puissance jusqu'à la mort, puis nourrir les égrégores de la mort une fois qu'il est rendu de l'autre côté. Il y a des âmes qui se perdent dans le processus de l'incarnation. Il y a des âmes qui ne reviennent jamais à la lumière. OK. Ça, je ne l'avais pas vu comme ça. C'est intéressant que vous l'ameniez parce que je croyais qu'ultimement, quelqu'un qui est astralisé peut s'autodétruire, se suicider ou tuer des gens ou peu importe. Mais tôt ou tard, il va être obligé de neutraliser son astralité en se réincarnant sur la Terre. Non, il ne se réincarnera peut-être pas parce qu'il n'aura pas la mesure de se réincarner. La lumière, elle a été éteinte. Chacun individu a une petite brin de lumière, c'est certain. Mais à un moment donné, il est trop tard. Et il y a beaucoup d'âmes dans les années à venir qui vont être relocalisées sur une planète Terre, sur une planète, un autre espace-temps pour permettre à la Terre d'évoluer. Parce que il y a trop d'âmes, c'est une problématique que la régence planétaire va régler. Il y a trop d'âmes qui ont un taux vibratoire qui ne permet pas un développement de la conscience supramentale sur la Terre dans les années à venir. Donc, il va y avoir une relocalisation. C'est des gouvernements invisibles, ça, vous comprenez? Ils vont décider que ce qui doit être fait. Moi, j'en ai rien à foutre de qu'est-ce qu'ils veulent bien décider, parce que c'est à moi d'être individuel dans mon conscience et de savoir comment, moi, me protéger de la pollution qu'on parlait de tantôt. Comme l'individu, j'ai pas... vous savez, si vous allez à l'intérieur, vous êtes intelligent et vous avez votre volonté qui est ajustée, ils vont vous dire, trouvez-vous un autre endroit où vous asseoir ou changez de café. C'est intéressant, hein? Mm-hmm. Pourquoi que c'est l'homme qui doit se tasser? Ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est l'homme qui doit se tasser? Parce que les forces de la noirceur sont en puissance et ils le seront encore pour plusieurs années. C'est un choc de savoir ça, que les forces de la noirceur sont en puissance présentement sur la Terre et ils vont l'être encore pour plusieurs années. Donc l'illusion de la spiritualité, là, c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les chocs du futur, les chocs à venir vont permettre à la conscience de se développer. J'ai des petites surprises. Ça peut prendre bien du temps. Vous verrez peut-être pas ça dans ce vie ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ouais, c'est ça. Donc, autrement dit, il faut se développer individuellement sans avoir d'attente par rapport au collectif. Il ne faut avoir aucune attente. Aucune attente face à l'avenir. L'homme ne doit pas avoir aucune attente face à l'avenir parce que s'il a la quelconque attente, il va être déçu. Il va y avoir une si grande déception dans sa conscience et l'homme ne peut pas vivre trop de déception. Parce qu'à un moment donné, il ne trouve plus la force de se réinventer. Et en général, les gens peuvent être déçus dans leur vie quelquefois, mais vivent de grandes, grandes déceptions, parce que ça dépend toujours du statut premier et du statut cosmique de votre agenda. Si vous avez une programmation astrale, vous allez être capable de déçu peut-être une ou deux fois, mais vous allez toujours être capable de compenser cette déception-là. Alors que si vous avez un agenda qui est cosmique et vous devez intégrer votre volonté et votre intelligence pour un jour accéder aux forces de l'amour, vous allez devoir être totalement désillusionné par rapport à la vie. Dans le sens que vous allez devoir savoir que la vie, c'est de la merde. Et la seule chose qui compte, c'est la réalité de ce que vous êtes capable de faire dans votre journée pour que votre journée soit agréable. Et le reste, c'est de la merde. Parce que sur la planète Terre, présentement, ce n'est que des oppositions astrales que vous... C'est rare qu'on rencontre des gens comme vous et on parle pendant... Ça fait combien de temps, là? On parle une heure et demie? Oui, ça fait à peu près une heure et demie, oui. Puis, est-ce que vous vous êtes ennuyé? Vous avez trouvé ça plate? Non, pas du tout. Je trouve ça intéressant. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, l'homme, quand on va vraiment rencontrer l'homme, c'est comme ça. Il va parler et il va partager avec l'autre ce que lui voit. Moi, je partage avec vous ce que je vois. Mais vous, étant donné que vous avez une ouverture par rapport à cette énergie-là de la conscience supramentale et que vous avez fait énormément de travail sur vous, vous êtes capable de suivre le propos et vous êtes capable de dire « Oui, moi aussi, je vois ça comme ça. » puis les autres qui écoutent votre émission, c'est la même chose qu'ils doivent se dire. Ils disent, ah, je comprends pas tout, mais il devrait être capable de regarder s'il y a de la continuité dans ce qu'il dit. Supposons s'il voit qu'il n'y a pas de continuité, qu'il y a de la contradiction, qu'il se pose les questions, est-ce que cet individu-là est vraiment est capable de parler et d'être dans une vibration qui lui permet d'avoir une direction totalement libre de ce qu'il veut dire et totalement libre de la forme, dans le sens qu'il peut rentrer dans n'importe quel sujet sans le réfléchir et être capable d'exploser en conscience dans sa parole pour permettre que des espaces-temps nouveaux viennent à la Terre. S'il n'est pas capable de faire ça, ben, vous n'êtes pas d'écouter l'émission de radio parce que ça ne vaut pas la peine. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que si vous écoutez l'émission et si vous ne le vibrez pas ce qui est dit, c'est que ça ne vous concerne pas, tout simplement. Là, t'sais. Mais comment vous définissez vibrer? Dans le sens de l'énergie qu'on peut ressentir quand on reçoit l'intelligence créative qui se manifeste en soi. Puis comment on sait des fois que c'est pas de l'intelligence? Ben parce que c'est astralisé, c'est coloré, c'est périphérique à notre noyau central. Puis comment l'individu peut l'interpréter? Ça, qu'est-ce qui va lui donner la puce à l'oreille que c'est ce que vous dites? Ce qui va lui donner la puce à l'oreille, c'est que l'individu va avoir dans le fond. Il est où le baromètre? OK, ben c'est lui en tant que canal qui doit exercer sa capacité de discernement pour pouvoir identifier ce qui est intelligent puis créatif versus qu'est-ce qui est destructeur ou qui, tu sais, qui est pas rapport, là. Ouais, c'est ça. Ça. Faut que lui se protège de qu'est-ce qu'on dit. Ben oui. Bon, c'est ça. Puis l'homme devrait toujours éduquer l'homme. Ça devrait être une des premières choses qu'il doit lui dire. Croyez pas ce que je dis. Allez vérifier en dedans si pour vous autres c'est réel. Est-ce que ça a une signification? Est-ce que ça a une portée? Si vous dites, je suis pas certain, mais je vais voir comment ça va se décanter dans les prochains jours. Puis là, vous laissez avec ça. Puis des fois, vous dites, ah, ben, je vais réécouter cette conférence-là pour voir si je peux saisir d'autres aspects que j'avais pas saisis. Dans ce cas-là, vous faites une étude de vous-même avec ce que vous avez été exposé et c'est excellent. Mais de penser qu'il saisit des grandes choses intelligentes là, vous pouvez vous faire fourvoyer parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt à entendre ça, puis vous allez vous donner l'intellect de vouloir écouter ça parce que vous voulez apprendre quelque chose. On ne peut pas vouloir apprendre quelque chose. Comme vous dites, ça descend dans ses corps, c'est une vibration. Si on l'écoute et on a mal à la tête, bien, vous êtes mieux d'arrêter d'écouter puis d'aller tricoter, faire d'autres choses. Exactement. Juste avant de compléter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en rediffusion en France, pouvez-vous parler du rôle de la France? Parce que tantôt, je vous ai amené par rapport au Québec, du rôle du Québec par rapport à la planète, mais cette fois-ci par rapport à la France. La France a une capacité d'aller dans l'ajustement du mot, de la parole, assez rapidement. Ça, c'est une de ses grandes forces. Tant qu'elle n'intellectualise pas la parole, la France ne se réfléchira pas et elle va être capable, dans une perspective plus grande que maintenant, permettre à la conscience du peuple européen de reconnaître que c'est la fin de la monarchie. Sur tous les plans, sur tous les fonds. Et parce que vous savez, DSK, il passe très bien en France encore, même s'il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis avec lui, hein? Il y a même des gens qui le poussent encore peut-être pour la présidentielle éventuellement ou pour un poste important. Mais ça, il va falloir que ça soit brûlé, hein? La femme, va falloir qu'elle soit intégralement respectée en France. Et il y a du travail à faire à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que la conscience ésotérique, c'est très fort aussi en France. Il y a des mouvements ésotériques très puissants. Donc, le rôle de la France va toujours être dans l'ordre du mot juste pour permettre une vibration autre, différente de celui du peuple québécois, mais C'est une vibration qui se cohabite très bien avec quelqu'un qui est un Québécois qui va aller en France va être très bien reçu, comme le Français va être bien reçu ici. Donc, ce sont deux peuples qui vont beaucoup se respecter, mais dans la mesure que la France va être capable de faire éclater tout le spectre de la monarchie et de l'ordre de supériorité d'être un grand peuple parce qu'ils ont été depuis des millénaires, ou ben, depuis des siècles, celui qui a développé la parole au niveau intellectuel, parce qu'ils sont parlé avec quelqu'un qui vient de la France, vous avez un vocabulaire qui est très précis. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, mais un vocabulaire précis, ce n'est pas un vocabulaire vibratoire. Ils vont être capables de rapidement faire le pont parce que c'est déjà le cas. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Français qui viennent au Québec et aiment le Québec en raison des terres plus libres qu'il y a parce qu'on n'a pas le mémoriel de la monarchie qui plane sur nous. Est-ce que ça se comprend, ça? Oui, dans le sens que, tu sais, au Québec, on a moins d'histoire culturelle. Oui. Et on attache moins d'importance à des valeurs ancestrales. OK. Fait que, bon, ben c'est ça, on va compléter à présent l'entrevue. Et oui, puis, ben c'est bien. Oui, c'est ça, j'ai bien aimé là, discuter avec vous. OK. Et puis, pour compléter, ben de rappeler aux gens que si vous voulez en savoir plus sur l'invité de ce soir, vous pouvez aller sur son site Internet qui est marcdelasalle.com. Donc, ben écoutez, ça a été encore une fois un plaisir de discuter avec vous. Donc, je vous remercie beaucoup. Et, oui, le plaisir est pareil. OK, excellent. Donc, merci beaucoup. Bon, ben à bientôt. Au revoir à vos auditeurs, puis merci d'être là, puis bonne route à tout le monde. Parfait, bye-bye. Bye.